La témérité militaire des États-Unis pour les frappes préventives nucléaires contre notre République passe la limite, malgré l'avertissement sérieux de l'intérieur et de l'extérieur. Dans la matinée du 7 octobre, le bombardier stratégique nucléaire B-1B de la base d'aviation Henderson à Guam a survolé jusqu'aux environs de la péninsule coréenne pour la menace et le chantage militaire contre nous. Le 6 octobre, le bombardier stratégique nucléaire B-1B a livré les exercices d'attaque contre les objectifs terrestres pour attaquer des principales installations stratégiques de notre République dans le champ de tir de Sangdong de Corée du Sud. Ce qui est grave, c'est que sa sortie vers la péninsule coréenne coïncide avec les exercices de frappe préventive nucléaire en cours à Alaska qui évoquent un combat réel. Alaska est actuellement le théâtre des exercices de frappe préventive des forces aériennes des États-Unis, de Corée du Sud, de Nouvelle-Zélande et de l'OTAN, qui ciblent la direction suprême, les bases nucléaires et de fusées stratégiques de notre République.